So, yes. Tenanzela, a kami kotalanga miso ya mabe. Natuni yontina olobi olataki ndoto ya mabe. Likambo ya ndoto ezali mpona yo moko. Likambo toka ya moto. N'importe qui est longuité dans la terre. Naturellement d'ailleurs, est-ce que l'autre kinga ou l'obité, na l'autre est mutu. Mais il faut quand même nous en avoir une bonne humeur, ma camarade Gwana. Vraiment, on a zagi très touché. Au gros, c'est un grave excuse quoi. Oh.